Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session radiophonique de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz, émission en direct le lundi à partir de 21h30 et des poussières, ou en rediffusion le dimanche à partir de 23h, également écoutable à partir de son blog asile35.blogspot.fr, également sur le mixcloud.com/redman tout attaché, et on remercie d'ailleurs monsieur Redman de mettre les playlists à jour et les émissions en général le week-end qui suit la diffusion hebdomadaire. On va attaquer avec un groupe qui est un peu un groupe star en ce qui me concerne. Il s'agit de The Wild Classical Music Ensemble, constitué par des personnes en institution psychiatrique en Belgique, de jeunes adultes, John, Link, Kimp, Rudy, aux différents instruments, encadrés par le batteur Damien. Ils avaient sorti un disque en 2009, c'était sorti au printemps dans la série du label Sub Rosa Music in the Margin volume 4, qui compte une petite dizaine de disques d'art brut. Là, il s'agit d'une musique plutôt sauvage et qui porte bien son nom, donc Wild Classical Music Ensemble, issu d'un atelier artistique du CEC de la S. Je voulais vous passer ça aussi pour vous signaler la parution de la compilation Sur les rails du collectif Transport en commun, publiée récemment par le label Doki Doki, sur lequel figure un titre du Wild Classical Music Ensemble et pas mal d'extraits de l'atelier Méditerranée, qui lui est encadré par le chanteur de cheveux, et donc pas mal d'autres choses de même obédience. On écoute ce disque éponyme, un grand classique de l'Asile le plus sûr, et le morceau Police par The Wild Classical Music Ensemble. Fire! On a démarré le programme hebdomadaire de l'asile avec certainement le groupe le plus sauvage que la Terre ait pu enfanter, The Wild Classical Music Ensemble. Ce groupe constitué par une demi-douzaine de personnes en institution psychiatrique qui avait sorti un disque éponyme dans la série Music in the Margin du label Sub Rosa, c'était en 2009. On vous avait proposé ça à pas mal de reprises dans l'asile le plus sûr, et c'était enchaîné avec le quatrième opus de Marja Johansson, alias Tsembla, musicienne finno-suédoise, électronique et manipulation de samples et de textures, plutôt dans le registre assez saugrenu. Son précédent disque long, qui était sorti également chez New Images, le label du guitariste de DuckTales, à la fin de l'année 2013, nous avait fait forte impression. Celui-ci, qui s'intitule Terror and Healing, est un tantinet en dessous, mais toujours aussi original dans la palette sonore et la collision des samples. À noter qu'elle fait également partie de Kemi Alicette Istavat, l'excellent combo de Tampere mené par Jan Andersen. Et il y a bien entendu une parenté assez forte avec le vaisseau Amiral, et aussi avec Reynaldo Anzolov, mais version Grand Nord, donc le disque Terror and Healing par Mademoiselle Tsembla, qui vient tout juste de sortir et qui était enchaîné avec Schneider Kassirek et un premier album. C'est la rencontre entre Monsieur Stéphane Schneider, l'ex-Kreidler, également ex-Touro Kokoro, puisqu'ils viennent tout juste de splitter malgré leur reformation, et le disque qu'ils avaient sorti à l'été dernier en compagnie d'Arto Lindsay en guest. Et donc là, Stéphane Schneider se retrouve aux côtés d'un batteur totalement inconnu pour ma part, monsieur Sven Kassirek, pour un disque assez inspiré par l'Afrique et leur découverte commune du Kenya, où ils ont voyagé tous les deux. L'album s'intitule Shadows Documents. Il est sorti par donc le label de Hambourg, Bureau B. Shadows Documents, c'est un peu l'Afrique fantôme vue par deux Allemands, avec un pied dans le rock choucroute façon Cluster Noy et un pied dans l'électronique ciselée contemporaine. Et c'est plutôt une réussite pour ce duo Schneider Kassirek chez Bureau B. On va continuer avec Six Organs of Admittance et un tout nouvel album qui sort ces jours-ci chez Drag City pour la formation de monsieur Ben Chasny, qui était en stand-by depuis 3-4 ans, et une série de disques qui s'étaient enchaînés toujours dans le registre des broderies psychédéliques et guitaristiques, notamment inspiré par les musiques orientales. Alors apparemment, Ben Chasny en a eu assez marre de l'acid folk de sa douzaine d'albums qu'il a sorti en une petite dizaine d'années, et il a enregistré ce nouvel opus en utilisant une méthode pour le moins originale, une méthode qu'on pourrait dire Cajun, de Chance Operation, à partir d'un jeu de poker, l'Exadic System. Et il a convoqué pour ce nouvel album ses potes de Comets on Fire pour exécuter ces pièces qui sont assez abrasives, je dois dire, assez proches de la noise ou du doom. On pourrait penser à du Keiji Aino avec ce nouvel album de Six Organs of Admittance, dont on va écouter un titre complètement différent, nettement plus calme. C'est celui qui démarre ce disque Exadic. We'll be right back. de nouveautés à suivre dans le free rock anglo-saxon. On a démarré avec le rock exadique ou extatique de Six Organs of Admittance et ce système exadique qui donne son titre à l'album qui sort cette semaine chez Drag City, le nouvel album de Ben Chastney qui n'est toujours pas rangé des cordes mais qui continue d'inventer avec donc un disque plutôt dans le registre noise assez extrême, contrairement au titre qu'on entendait en début de séquence qui était enchaîné avec la rencontre entre Henry Kaiser et Ray Russell et le disque The Celestial Squid sorti par le label Cuneiform dans sa livraison de début d'année. La rencontre entre le guitariste californien Henry Kaiser, qu'on décrit souvent comme un croisement entre John McLaughlin et Eugene Chadbourne, qui a joué à peu près avec tout ce qui bouge dans le domaine des musiques avant-garde aux États-Unis, mais aussi avec des Européens comme cet autre guitariste beaucoup moins connu et pourtant guitariste d'impro free britannique, Ray Russell, qui a collaboré lui aussi avec à peu près tout ce qui a pu bouger dans le rock de ces 50 dernières années, notamment Gil Evans, Phil Spector, Van Morrison, Tina Turner. C'est à lui qu'on doit les riffs de James Bond, des musiques de John Barry. Voilà, donc c'est pas vraiment un inconnu, ce Ray Russell, et ensemble ils viennent de signer un disque plutôt dans le registre free rock, aux côtés de 8 Américains, 4 saxophonistes, il en fallait au moins 4 pour croiser le fer avec ces deux guitaristes, deux bassistes dont l'excellent Damon Smith à l'acoustique et deux monstres de la batterie, Wiesel Walter et William Winant. Le disque Celestial Squid publié par Cuneiform, et je crois que Henry Kaiser a une actualité assez chargée puisqu'il a sorti un autre disque en compagnie de Scott Amendola qui là est un duo guitare-batterie sur le label Fractal Music. Il vient tout juste de terminer une résidence au club new-yorkais The Stone il y a quelques jours, début du mois de février, et donc il a dû rencontrer quantité de musiciens sur une petite semaine, donc ça devrait peut-être donner lieu à de futurs enregistrements. On va continuer avec un nouveau combo entre le guitariste de ZX Andy Moore aux côtés du contrebassiste australien Clayton Thomas et du batteur assez méconnu Steve Heiser, d'origine lui aussi australienne, qu'on connaît comme collaborateur d'Anthony Pateras dans l'excellent duo Pivixki, qui lui vit à Berlin. Le projet s'appelle Draft. Ils sont rejoints sur ce disque par la chanteuse suédoise d'origine éthiopienne Sofia Jernberg, qu'on a pu croiser notamment dans le Fire Orchestra de Mats Gustafsson. On écoute un titre de ce disque, Hope Lies Constant, qui est une publication digitale sur le label d'Andy Moore Unsounds, et c'est plutôt assez excellent. On va écouter plutôt un titre en compagnie de la Miss Sofia Jernberg et le morceau Tie Me Swiftly, ce qui doit vouloir dire quelque chose comme Attache-moi sauvagement. Oh, Nouvelle séquence de rock de traverse dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec ce nouveau combo Draft qui est donc un combo australo-écosso hollandais matinée de musiciens suédo-norvégiens. Voilà donc la rencontre entre Andy Moore, deux EX, avec deux Australiens, Clayton Thomas à la contrebasse et Steve Heather à la batterie, et la participation sur certains titres de cet excellent disque Hope Lies Constant de Sofia Tjernberg, qui est une chanteuse suédoise, aussi improvisatrice, qu'on a pu entendre aux côtés de Mats Gustafsson et qui vit à Oslo. C'est une publication digitale du label de Andy Moore, Unsounds, qui se fend à peu près tous les mois, tous les deux mois, d'un excellent disque. Et on en passera certainement d'autres dans les émissions de cette année 2015, et cette formation Draft était enchaînée avec le groupe Mahogany Brain et le fameux ou fumeux With Junk Saucepan When Spoon Trigger. Il s'agit de la deuxième réédition du label Futura, du jeune label parisien Le Souffle Continue Records, qui est lié à la boutique parisienne du 11e arrondissement rue Gerbier et du même nom. Ils ont fait paraître en parallèle de ce Mahogany Brain le LP de Red Noise et de Semoule, une licence qu'ils ont prise pour les disques historiques que faisait paraître monsieur Gérard Terrones, l'activiste toujours pas rangé des camions lui non plus, puisqu'il continue de produire au sein de son label Marge et continue aussi d'organiser des concerts, même s'il ne fait plus de radio depuis quelques années. Et donc Mahogany Brain, qui était la formation du poète beat Michel Bulto en compagnie de Patrick Geoffroy, qui lui a rejoint les Countershuns de James Chance à la fin des années 70. Ils avaient publié ce 33 tours enregistré en 1970 en 71. S'en était suivi un second en 1976 chez Paul Tapioca, mais il s'agissait d'enregistrements de la même époque, à peu près vers 1972. Ils n'ont d'ailleurs pas dû tellement durer après ce début des années 70. Un disque plutôt bric-à-brac avec un côté post-velvet mélangé avec de l'impro free, et donc pas mal de flûte. C'était le poète beat Michel Bulto qui déclamait des textes et qui s'accompagnait de flûte, alors que les autres faisaient une sorte de blues assez barré pour cette formation Mahogany Brain. Et donc on attend d'autres parutions pour l'excellent label de monsieur Théo Jarrier, Souffle Continue Records, qui est un label de réédition de rareté, un peu à l'image de Finder Keepers, Wawa ou encore Mississippi Records, ou le label Sienne Fuegos pour les rééditions de free jazz. Et évidemment donc, si vous intéressez à Mahogany Brain, je vous conseille de vous procurer le livre de mes camarades Dominique Grimaud et Eric Dehaye sur l'underground musical en France de l'après 1968, autour des maquis sonores des années 70 et aussi 80. Et si vous intéressez aussi à ces musiques, je vous propose une soirée cette semaine, jeudi 19, qui aura lieu à Rennes, à la Maison de la Grève, une balade musicale dans l'underground musical en France, avec comme sous-titre Riot 68. Ce sera à 18h ce jeudi 19 février à la Maison de la Grève. Donc c'est l'ancien fournil de Chézy, l'enseigne qui donne sur la rue du pont Le Graveran. Voilà, et également un concert à ne pas manquer ce vendredi 20, également à la Maison de la Grève, avec le combo de jazz free de Lille, Louis Minus 16, qu'on vous avait proposé dans l'émission de la semaine dernière. On va continuer avec un autre musicien qui va jouer prochainement en France. Il s'agit de Aaron Moore de Volcano The Bear, qui est en tournée en compagnie de Anla Curtis, le musicien argentin des Reynolds. Il sera ce dimanche 22 à Nantes dans le cadre du festival Câble, et il jouera le lendemain à Rennes au Terminus rue de Riaval, pour marquer donc la sortie d'un nouvel album qui sort chez Dancing Wayang. Mais je propose plutôt d'écouter sa formation, ou son projet solo plus exactement, Invisible Sports, et le disque The Future Tastes, un excellent album vinylique qui était sorti sur le label de ses compatriotes Alt Vinyl. On écoute le titre de Invisible Sports, Beastly. We'll be right back. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz avec une séquence qui a démarré avec la musique pop mélancolique et assez d'inspiration assez proche de celle de Robert Wyatt, je dois dire. Le projet de Mr. Aaron Moore, Invisible Sports, et le disque long qu'il avait fait paraître en 2012 sous le titre The Future Tastes. Je crois qu'il y avait eu un 45 tours aussi pour ce projet de Monsieur Moore de Volcano The Bear. C'est assez différent de ce qu'il devrait jouer en fin de cette semaine à Nantes pour le festival Câble en compagnie de Anne La Courtis, ou lundi prochain, le 23, au Terminus à Rennes. Ils sont assez productifs, à peu près un disque par an et par tournée pour Anne La Courtis et Aaron Moore, qui était enchaîné avec le projet Labfield et le disque Bucket of Songs, sorti sur l'excellente étiquette norvégienne Hubro Records. Il s'agit du troisième disque de cette formation nordiste entre le guitariste, je crois qu'il est suédois, David Stakenas, qui lui aussi fait partie du Fire Orchestra de Mats Gustafsson, qui donc se produit depuis quelques années en compagnie du percussionniste d'Oslo, Ingar Sash, qui lui joue dans quantité de trucs. Ce serait trop long d'énumérer l'ensemble de ses projets. Il continue aussi de s'occuper de son propre label Sofa Music. Et donc, sur cet album sorti par leur compatriote Hubro Records, ils sont rejoints cette fois-ci par le guitariste et bidouilleur électronique de Milan, bien connu des auditeurs de l'Asile le plus sûr, Giuseppe Ielasi, fondateur ces 15 dernières années de quantité de labels, notamment Fringe, School Map ou encore très récemment Senufo Edition, qui publie d'excellentes choses dans le domaine de l'électro acoustique et de l'improvisation. Et à noter aussi la participation pour ce projet de Labfield de la chanteuse Marianne Valentine ou Valentin sur certains titres, mais c'est pas ceux qui sont les plus intéressants, je trouve. En tout cas, une palette de sonorités chatoyantes entre improvisation et électronique pour ce Bucket of Songs de Labfield. Et on a entendu juste à l'instant le performeur d'origine autrichienne qui a grandi en Suisse, Rudolf Eber, fondateur du collectif d'actionnistes sonores Schlimmfuscht en 1987, qui travaille depuis donc 25 ans sur les effets psychoacoustiques et la performance, avec un côté alchimie auditive. Il a beaucoup collaboré avec les gens de la noise japonaise ces 15 dernières années, et la noise bien évidemment la plus extrême, ainsi que les Européens les plus bruitistes. Et là, il s'agissait d'un disque solo, le tout dernier en date, qui s'intitule THIER, qui est écoutable d'ailleurs sur son Bandcamp. Et juste pour vous signaler que Monsieur Rudolf Eber fera partie de la sélection du Festival Nantais Câble de cette année, 8e en date, qui se jouera du 19 février, donc jeudi, jusqu'au dimanche après-midi. Quant à Rudolf Eber, il devrait se produire, si je ne m'abuse, je vérifie le programme, oui c'est bien ça, samedi soir. C'est aux Ateliers de Beach à Nantes, du côté du lieu unique. Il y aura aussi un autre vétéran de la noise, l'américain Aaron Dilloway. Plus d'informations sur le site câblenantes.org. On va continuer avec toujours un peu dans le même registre de la création électroacoustique mélangée à l'improvisation, et le projet Subtle Lip Cannes, qui est la rencontre entre le percussionniste Isaïe Seccarelli, le joueur de mandoline et de violon Joshua Zubot, donc deux musiciens pas très connus, deux musiciens canadiens, québécois plus exactement. Le troisième l'est beaucoup plus. Il s'agit du guitariste Bernard Falaise. Donc un combo d'improvisation libre formé en 2007 à Montréal par ces trois francs-tireurs et collaborateurs d'à peu près tout ce qui bouge dans les musiques innovatrices en Amérique du Nord. Il s'agit d'un deuxième disque après le premier qui était éponyme, qui était sorti en 2010 sur ce même label de Vancouver, Drip Audio, qui publie ce Reflective Dream. Et je propose d'écouter le titre de Subtle Lip Can, le morceau Gull Plump Fiver. Thank you. C'est vrai que je me suis dit en préparant cette émission que je ne passais pas assez souvent de musiciens québécois. Et c'est vrai qu'avec des projets de cette qualité, ce serait un tort de se priver. On a entendu tout d'abord l'excellent album de Subtle Lip Can, le deuxième en date, celui qui s'intitule Reflective Drime. Donc un mélange percussion, violon assez grinçant et strident. Et la guitare de Bernard Falaise, un disque d'improvisation et de recherche aussi sonore pour le moins excellent. On vous passera peut-être d'autres extraits de ce disque de Subtle Lip Can qui est publié en CD par le label Drip Audio, qui était enchaîné avec un autre projet du même guitariste Bernard Falaise. Il s'agit du combo Klaxon Gueule, un nom assez invraisemblable pour un projet qu'il ne l'est pas moins, puisque c'est la rencontre entre Alexandre Saintonge, qu'on connaît pour quantité de groupes, c'est des choses qui sont sorties d'ailleurs chez Constellation ou d'autres labels dans le free rock québécois le plus barré, qui est en compagnie de Bernard Falaise, donc comme je vous disais, et de Michel F. Côté, qui lui est plutôt percussionniste, mais percussionniste également électroacousticien et de traverse, donc un trio qui existe depuis une bonne vingtaine d'années. C'est leur sixième opus qui vient de paraître pour ce groupe de Free Electronics. Ça s'appelle Pour en finir. Alors je ne pense pas qu'ils sont prêts de splitter ces trois-là, puisqu'ils se sont sacrément bien trouvés. Donc peut-être Pour en finir avec une certaine approche de l'improvisation libre. Et en tout cas, ce disque est publié comme toujours pour les disques de Klaxon Gueule par la maison mère de Montréal, Ambiance Magnétique, label créé en 83, label coopérative d'ailleurs, créé par un ensemble de musiciens toujours actifs par ailleurs, Jean de Rome, René Lucier et autres, André Duchesne. Voilà, pas de titre de free jazz cette semaine. On se rattrapera dans une prochaine émission. Je voulais vous signaler quelques annonces concerts avant de se quitter. Donc, je vous ai déjà parlé de la programmation du Festival Câble Nantais en long, en large et en travers la semaine dernière et cette semaine. Ça aura lieu de jeudi à dimanche, donc dans différents lieux. Plus d'informations sur câblenantes.org. Je voulais aussi vous signaler une soirée concert de rock noise, mais pas que, organisée par les camarades de Cafioul ce mercredi au bar Le Barrique à Rennes, en bas de la place des Lys, au milieu de la place des Lys plutôt. Ils invitent la formation de néo-folk un peu post-industriel américaine Cult of Youth, dont j'ai écouté juste quelques extraits du dernier album, qui est plutôt pas mal. Apparemment c'est leur quatrième, donc un projet qui a une petite dizaine d'années au compteur, j'imagine. Vous pourrez vous en rendre compte donc ce mercredi 25 février au Barrique à Rennes pour 6 €, et il y aura Rouge Gorge pour le support rennais en front wave, comme ils appellent ça nos camarades de Cafioul. Plus d'informations sur le site cafioul.org. Je vous rappelle aussi les deux concerts de Aaron Moore et Anna Curtis au Festival Câble Nantais dimanche 22 dans l'après-midi, et le lundi 23 au Terminus rue de Riaval. Ce sera donc à partir de 20h30 pour 5 € à Rennes. Et il y a une autre soirée d'ailleurs, si je ne m'abuse, également au Terminus la semaine prochaine. Je crois que c'est le samedi 28, oui c'est ça, avec Guillaume Bélanger et Carnalisme. Voilà, on va se quitter avec un dernier titre et un morceau plutôt d'ambiante, mais ambiante électro-acoustique, une fois n'est pas coutume. Et c'est la rencontre entre le pianiste et aussi électronicien un peu star au Japon et aussi dans l'ensemble de la planète, monsieur Ryuichi Sakamoto, qui rencontre le duo Illua, qui est un duo constitué entre Corey Fuller, qui est un plasticien sonore qui a des origines japonaises, mais qui est né et a grandi aux États-Unis, qui est retourné vivre au Japon. Et donc, dans ce projet Illua, il est aux côtés de Tomoyoshi Date, qu'on a pu entendre dans l'excellent groupe Opitop. Et le quatrième lascar, c'est Taylor Depreux, électronicien bien connu des services, qui publie ce disque sur son propre label 12K. Ça s'appelle Perpetual Year. C'est un mélange entre piano, guitare, pump organ et autres synthesizers. Apparemment, ça a été enregistré dans la moiteur de l'été 2014 dans un centre d'art contemporain pour fêter leurs 10 ans. Je vous propose d'écouter un extrait de ce Perpetual par Ryuichi Sakamoto, Illua et Taylor Depreux. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. Thank you.